t'imagines pas le nombre d'altercations avec des meufs comme avec des gars, mais finissant toujours par de gros dégâts. À tout âge, tous vont droit au carnage pour faire preuve de courage. De plus en plus fous te donnent des coups ou direct sortent de ton cou, mais tout un coup ne se rendent pas compte que la vie est trop courte. Jour après jour, ça empire, ça m'attriste. Les jeunes apprennent à se battre plus vite que dans Matrix. Dans ma ville, embrouille pour un regard, embrouille car il est tard. Gros fêtard, démoli à coup de pétard ou de ricard. C'est toujours la même fête de village, boîte ou manège. Certains font leur ménage sans travailler leur ménage. D'autres en mangent, c'est dommage. Trop d'embrouille, trop de casse-couilles. Et quand j'y pense, y'a vraiment trop de violence. Trop d'embrouille dans nos villes, dans nos vies, dans nos sorties. Y'a rien à faire, c'est la même dans les fêtes, jour ou nuit. Pour un reste à part, ça se tape et c'est claque. Des jours claquent, les mecs craquent, on t'avait prévenu. Trop d'embrouille dans nos villes, dans nos vies, dans nos sorties. Y'a rien à faire, c'est la même dans les fêtes, jour ou nuit. Pour un reste à part, ça se tape et c'est claque. Des jours claquent, les mecs craquent, on t'avait prévenu. Ça découpe à coups de coude au coude, cutter coûte que coûte. T'as le mal en toi, si on te cherche, tu sors le pompe, rien à foutre. L'alcool dans le sang, des flammes dans les yeux. La drogue dans le sang, des flammes dans les yeux. Calme-toi, bouge de là, tu vas faire un truc bizarre. Des mois entre quatre murs, hein, fermé dans le noir. Une mort sur la conscience, le diable est dans la danse. Désobéissance, aucun sens réfléchi avant la séance. Trop de violence gratuite, trop illicite. On incite sur un site, pas un cirque. Un seul clic et une âme au paradis. Trop de nos frères sont partis, intégrés un mauvais parti. Ici tous les coups sont permis, le corps cribé de balles. Une lame dans l'abdomen, un regard, une vision sale. Incité dans ce domaine, te la raconte pas. Sur ce, je te dis ciao. Le rack et Sénica, c'est pareil de deux cases à Mio. Trop d'embrouilles dans nos villes, dans nos vies, dans nos sorties. Y'a rien à faire, c'est la même dans les fêtes, jour ou nuit. Pour un reste à part, ça se tape et c'est claque. Des jours claquent, les mecs craquent, on t'avait prévenu. Trop d'embrouilles dans nos villes, dans nos vies, dans nos sorties. Y'a rien à faire, c'est la même dans les fêtes, jour ou nuit. Pour un reste à part, ça se tape et c'est claque. Des jours claquent, les mecs craquent, on t'avait prévenu. Embrouille pour un bout de G, pour un bout de texte, pour une insulte sur ta mère, alors ta volume test. Ça s'embrouille pour des choses futiles et ça braille gorge trop nouée comme ces slims futales. Quartier contre quartier, ville contre ville, ça s'embrouille car chacun veut représenter. Être le plus fou, le plus fort, le plus prompt à battre des records de violence, d'insouciance. Disperser dans les embrouilles louches plutôt qu'aider les siens. Pour une insulte plutôt ouf de faire attaquer les chiens. Ou pour 20 ou 30 euros, décocher une basse sauce en plein cœur. Pour certains, y'a pas d'embrouille sans bonheur, pas d'amour sans rancœur. Y'a ta meuf qui t'embrouille car tu rentres à pas d'heure. Tu t'essouffles quand tu cours dans ton couple, t'as pas d'air. Ton cœur erre vide, ton esprit s'embrouille, ta tête, ton vocer, c'est le brouillard. Trop d'embrouilles dans nos villes, dans nos vies, dans nos sorties. Y'a rien à faire, c'est la même dans les fêtes, jour ou nuit. Pour un reste à part, ça se tape et c'est claque. Des jours claquent, les mecs craquent, on t'avait prévenu. Trop d'embrouilles dans nos villes, dans nos vies, dans nos sorties. Y'a rien à faire, c'est la même dans les fêtes, jour ou nuit. Pour un reste à part, ça se tape et c'est claque. Des jours claquent, les mecs craquent, on t'avait prévenu. Ouais, on t'avait prévenu, hein. B1, c'est Nika le rack. De deux cases, Amio, en passant par Desro. C'est la même, trop d'embrouille mec.